Oh là là, la misère, les gros, putain. Sérieux, sérieux. Y'a rien à branler. Rien à faire. On est là, on se casse les couilles. Pas rester là, t'as vu dehors. Bah ouais, c'est le temps de merde. Vraiment. Putain de soleil, reviens parmi nous. Reviens. En attendant le soleil, je fais tout pour garder ma bonne humeur. Une lueur d'espoir dans l'œil, jette le tien et tu meurs. Tueur de malveillance, j'aimerais que les gens se fassent confiance. C'est violent quand on y pense, elle se troque contre finance. Normal que je déconnecte, voyageant sur des comètes. Loin des êtres malhonnêtes, je ne serai pas votre marionnette. Non, je suis pas un dieu du stade, je suis le dieu du smile. Mon but est de le répandre, fuite l'équipe sur toutes les ondes. Gros débarque à 12 ou 13 pour déboîter toutes vos thèses. Ne me dites pas que vous êtes outré quand t'as 24 ans, vous baisse. Moi, vulgaire, attends que leur plan soit divulgué. Te parle de paix, me veulent la guerre, putain, mon esprit a divagué. Attendant le soleil, je voulais illuminer ma vie. Mais voyant qu'ils te surveillent, on m'a dit faut se cacher dans la nuit. Alors, j'ai essayé toute la haine, j'ai essuyé. Je veux solidariser les gens sans entrer dans la légende. En attendant que le soleil revienne. L'esprit dansant, le son dans le sang. Et le smile dès le réveil. En attendant que le soleil revienne. Pas le temps d'envier la tendance. Quand le groupe se réveille. En attendant que le soleil revienne. L'esprit dansant, le son dans le sang. Et le smile dès le réveil. En attendant que le soleil revienne. Pas le temps d'envier la tendance. Quand le groupe se réveille. En attendant que le soleil revienne. Je vais pas m'affoler, règne faire le coléreux. Je vais attraper tout le monde, garde le smile. Est-ce que t'as compris sans excuse mon gars? Laisse-moi dans l'extase accompli. Ce soir le ciel est grisonnant, je t'annonce des cris son nom. Ma vie s'illumine, c'est vrai, mais salement j'écris son ombre. Mais tranquille, attise ma pluie quand le tonnerre brille. Range ton R&B, non rap pour faire partir la pluie. En attendant le soleil, moi je l'attends pas, c'est mort. Je trouve une prod et je la prends par ses mains. Tout ce monde y parsemé, tous ces mots et parchemin pour la charmer. Comme cette minette que je ramène par chez moi. Le sourire j'accentue à la gamelle de bouche. Dois me serrer la ceinture, mais j'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Pacifique, j'essaie d'être peu soutise, mais pas sérieux. Et par ce fils de musical, j'ai positif, mais pas zéro. En attendant que le soleil revienne. L'esprit dansant, le son dans le sang. Et le smile dès le réveil. En attendant que le soleil revienne. Pas le temps d'envier la tendance. Quand le groupe se réveille. En attendant que le soleil revienne. L'esprit dansant, le son dans le sang. Et le smile dès le réveil. En attendant que le soleil revienne. Pas le temps d'envier la tendance. Quand le groupe se réveille. Frère, je rêve de soleil de bord de mer, mais c'est la merde. Partout où je vais, ouais, c'est la même. C'est grave, le temps me gave, moi et mes gars, on a envie de se barrer. Mais à Grenoble, y'a de quoi bien se marrer entre les ambiances cheloues et les soirées de tarés bloquées entre les relous et les putains d'enfoirés. Arrête-moi si je dis de la merde, frérot. En plus d'en avoir sur les contrôles, on m'a souvent traité de zéro. Je garde le smile, ouais, qu'importe la saison. Je gratte des punchlines avant de perdre la raison, avant de plonger dans la drogue, wow. Avant de dire à la tête qu'il a mis à mort tes kéros. J'ai la mentale d'attendu, la force d'un super héros. J'suis complètement perdu avec ma chicha à fruits rouges. Vas-y traite-moi de fou, on m'a dit pire que ça. J'attends que le soleil revienne, ouais j'attends les prochaines cancres. En attendant que le soleil revienne. L'esprit dansant, le son dans le sang. Et le smile dès le réveil. En attendant que le soleil revienne. Pas le temps d'envier la tendance. Quand le groupe se réveille. En attendant que le soleil revienne. L'esprit dansant, le son dans le sang. Et le smile dès le réveil. En attendant que le soleil revienne. Pas le temps d'envier la tendance. Quand le groupe se réveille. Comment il fait ça? Oh. Ah, ça a mieux d'un coup, hein. Franchement, ça fait plaisir. T'as vu par la fenêtre, négro? Oh. Oh. Sa mère. Oh, ouais. Y'a des rayons. Pas... Ça veut dire short claquette, les gars. T'as pas kiké pour chi, c'est bon. C'est bon. Allez, on va y profiter un peu. Vas-y, paye ton pack, je paye mon linge. Allez. Tant que le cœur se réveille dans... Je dis de la merde.